Module 7, étude 2. Pluralité des mondes habités, éléments généraux de l'univers, matière et esprit. Le spiritisme enseigne qu'il y a deux éléments généraux dans l'univers, la matière et l'esprit. Et par-dessus tout cela, Dieu, le Créateur, le Père de toutes choses. Ces trois choses sont le principe de tout ce qui existe, la Trinité universelle. Il faut comprendre que l'élément général, esprit, écrit avec un E minuscule, aussi appelé principe intelligent de l'univers, est différent de l'esprit avec un E majuscule qui désigne l'individualité humaine dotée de raison. Il faudrait aller voir à ce sujet les questions 23 à 28 et 76 à 81 du livre des esprits. Concernant la formation de la matière, il est un fluide éthéré qui remplit l'espace et pénètre les corps. Ce fluide, c'est l'éther ou matière cosmique primitive, comme nous avons vu précédemment. Nous savons aussi que dans cette substance originelle, sous l'influx du Seigneur suprême, opèrent les intelligences divines qui lui sont agrégées en une communion indescriptible, les grands devas de la théologie hindoue, où les archanges sont non l'interprétation de divers temples religieux qui retirent de ce souffle spirituel les réserves d'énergie avec lesquelles elles contribuent ou elles construisent les systèmes de l'immensité en un service de co-création sur un plan supérieur en conformité avec les desseins du Tout-Puissant Miséricordieux qui fait d'eux les agents orientant la création suprême. Sous l'orientation des intelligences supérieures, les atomes se combinant dans des ruches immenses et sous la pression d'ondes électromagnétiques dirigées spirituellement, les espaces interatomiques sont réduits de façon contrôlée, sans perte de mouvement, afin de se transformer en masse nucléaire densifiée dont les planètes sont formées, et dans le sein de laquelle les monades célestes, c'est-à-dire le principe intelligent, trouveront un berceau adéquat à leur développement. Nous obtenons ainsi la lumière et la chaleur, qui en théorie sont classées parmi les irradiations des atomes pourvus d'énergie. Ces derniers, excités dans leur structure intime, émettent des ondes électromagnétiques. Toutefois, bien que nous tâtions avec une certaine assurance les réalités de la matière, en définissant la nature corpusculaire de la chaleur et de la lumière, et bien que nous sachions que d'autres oscillations électromagnétiques s'associent, sans que nous puissions le soupçonner. Dans l'immensité universelle, en deçà du spectre infrarouge et au-delà de l'ultraviolet, complètement en dehors de la zone de nos perceptions, nous avouons avec humilité que nous ne savons pas encore principalement en ce qui concerne l'élaboration de la lumière, quelle est la force qui provoque l'agitation intelligente des atomes, qui les fait émettre des irradiations capables de lancer des ondes dans l'univers à la vitesse de 300 000 km par seconde, et nous préférons reconnaître, de toutes parts, le souffle divin du Créateur et notre obligation d'étudier et de progresser sans cesse. Ce processus de co-création sur un plan supérieur a généré plusieurs types de matière dans le cosmos. Pour se faire une idée de ce processus grandiose, remarquons que nos analyses chimiques montrent l'existence d'environ un quart de million de substances sur la Terre, qui peuvent être réduites comme provenant d'environ 90 éléments naturels du tableau périodique. En vérité, le tableau périodique actuel est formé d'environ 103 éléments chimiques, et seuls ces 90 premiers éléments ont une origine naturelle sur notre planète. Les substances chimiques restantes ont été produites par l'intelligence humaine. Emmanuel nous explique que la chimie a besoin de présenter cette vision des éléments pour cataloguer des valeurs éducatives en vue des recherches scientifiques dans le monde. Toutefois, si elle est basée sur les atomes dans toute leur diversité, elle tendra malgré tout vers l'unité substantielle lorsque l'on remarquera avec les vérités spirituelles à leur source d'origine. D'ailleurs, en parlant des différenciations chimiques, ajoute Emmanuel, vous savez déjà que l'hydrogène, selon les connaissances terrestres, est l'élément le plus simple de tous. Son atome est la forme primordiale de la matière planétaire et se constitue du système absolument simplifié, composé d'un seul électron, d'où dérivent les autres différenciations du mécanisme évolutif de la matière dans ses formes rudimentaires. En observant la matière existant sur notre planète, nous constatons que rien ne paraît si profondément varié, si essentiellement distinct que ces diverses substances qui composent le monde. Parmi les objets que l'art ou la nature font journellement passer sous nos regards, en est-il deux qui accusent une identité parfaite ou seulement une parité de composition? Quelle dissemblance, au point de vue de la solidité, de la compressibilité, du poids et des propriétés multiples des corps entre les gaz atmosphériques et le filet d'or, entre la molécule aqueuse du nuage et celle du minéral qui forme la charpente osseuse du globe, quelle diversité entre le tissu chimique des plantes variées qui décore le règne végétal et celui des représentants non moins nombreux de l'animalité sur la Terre. Cependant, nous pouvons poser en principe absolu que toutes les substances connues et inconnues, quelque dissemblables qu'elles paraissent, soit au point de vue de leur constitution intime, soit sous le rapport de leur action réciproque, ne sont en fait que des modes divers sous lesquels la matière se présente, que des variétés en lesquelles elle s'est transformée sous la direction des forces sans nombre qui la gouvernent. Si l'on observe une telle diversité dans la matière, c'est parce que les forces qui ont présidé à leur transformation, les conditions dans lesquelles elles se sont produites étant en nombre illimité, les combinaisons variées de la matière ne pouvaient qu'être illimitées elles-mêmes. Donc, que la substance que l'on envisage appartienne au fluide proprement dit, c'est-à-dire au corps impondérable, ou qu'elle soit revêtue des caractères et des propriétés ordinaires de la matière, il n'y a dans tout l'univers qu'une seule substance primitive, le cosme ou matière cosmique des uranographes. Maintenant, voyons la formation du principe intelligent. Les esprits guides de la codification spirit affirment qu'il n'est pas facile d'analyser la nature intime de l'esprit, entendu ici comme le principe intelligent. Avec notre langage, car ce principe, même sans représentation intelligible pour nous, signifie quelque chose pour les esprits possédant un savoir avancé. Il nous informe aussi que l'intelligence est un attribut essentiel de l'esprit, mais n'est pas le principe intelligent lui-même. Mais, avec la limitation de nos connaissances, nous pouvons facilement confondre l'attribut avec la cause. Les esprits guides affirment que l'esprit, ou principe intelligent, est indépendant de la matière et qu'ils sont distincts l'un de l'autre. Cependant, il nous informe qu'il faut l'union et de l'esprit et de la matière pour intelligenter la matière. En réfléchissant à ce sujet, on peut se demander quel est le vrai sens de l'expression « intelligenter la matière » ? Comment une matière peut-elle être intelligentée ? En fait, le verbe « intelligenter » n'existe pas dans la langue française. On peut donc comprendre que les esprits guides ont créé un néologisme pour tenter de mieux expliquer ce point. Étymologiquement, le verbe « intelligenter », s'il existait en français, proviendrait du mot « intelligence », du latin « intelligentsia », qui a plusieurs sens. Citons-en quelques-uns. « Intelligence » avec un substantif qui peut signifier « faculté de comprendre, de connaître, d'apprendre », jugement, discernement, pénétration de l'esprit, ensemble de fonctions psychiques et psychophysiologiques qui contribuent à la connaissance ou à la compréhension des choses et de la signification des faits. En psychologie, c'est la capacité d'appréhender et d'organiser les données d'une situation. Dans des circonstances où l'instinct, l'apprentissage et l'habitude ne servent à rien, toujours en psychologie, c'est l'habilité à tirer parti des circonstances. Pour la métaphysique, c'est la substance spirituelle et abstraite considérée comme la source de toute l'intellectualité. Nous comprenons ainsi que le fait d'intelligenter la matière est lié, en dernière analyse, à la capacité ou à l'habilité du principe intelligent de connaître ou de comprendre la matière, et lorsqu'il est en contact avec cette dernière, il lui impose des ajustements et des organisations autant que nécessaire. La liaison matière-principe intelligent est conduite par l'action des esprits christiques directement liée à l'intelligence divine qui retire du fluide cosmique universel les éléments nécessaires à la formation de nouvelles substances et de nouveaux corps matériels. Dans un autre sens, l'action des esprits supérieurs fait de sorte que les ajustements et les organisations imprimées à la matière soient aussi répercutées dans le principe intelligent pour que de nouveaux apprentissages aient lieu aussi dans le principe intelligent et que ce dernier puisse générer successivement des matières dans des niveaux de complexité grandissants. Nous avons une certaine difficulté à concevoir que les principes matériels et intelligents puissent agir isolément dans la nature. Nous pensons que c'est l'un des motifs qui a mené Kardec à demander aux esprits supérieurs « Cette union est-elle également nécessaire pour les manifestations de l'esprit ?» Alors, entre parenthèses, nous entendons ici par esprit le principe de l'intelligence, abstraction faite des individualités désignées sous ce nom. La réponse a été la suivante. Elle est nécessaire pour vous, parce que vous n'êtes pas organisé pour percevoir l'esprit sans la matière. Vos sens ne sont pas faits pour cela. Cette réponse nous permet de conclure que notre condition évolutive représente une barrière naturelle à la perception plus approfondie des deux principes généraux existants dans l'univers. Il semble que la compréhension du sujet demande non seulement des conditions intellectuelles avancées, mais aussi une organisation physique particulière. Alors en résumé, les enseignements de la révélation spirite indiquent qu'il y a deux éléments généraux de l'univers, la matière et l'esprit, et par-dessus tout cela, Dieu, le Créateur, le Père de toutes choses. Ces trois choses sont le principe de tout ce qui existe, la Trinité universelle. Mais à l'élément matériel, il faut ajouter le fluide universel qui joue le rôle d'intermédiaire entre l'esprit, donc le principe intelligent, et la matière proprement dite, trop grossière, pour que l'esprit puisse avoir une action sur elle. Quoique, à un certain point de vue, on puisse le ranger dans l'élément matériel. Il se distingue par des propriétés spéciales. S'il était matière positivement, il n'y aurait pas de raison pour que l'esprit ne le fût pas aussi. Il est placé entre l'esprit et la matière. Il est fluide, comme la matière est matière, susceptible par ses innombrables combinaisons avec celle-ci et sous l'action de l'esprit de produire l'infinie variété des choses dont vous ne connaissiez ou ne connaîtrez qu'une faible partie. Ce fluide universel ou primitif ou élément étant l'agent qu'emploie l'esprit est le principe sous lequel la matière serait en état perpétuel de division et n'acquérerait jamais les propriétés que lui donne la pesanteur. Reconnaissons avec le codificateur que les mots matière et esprit donnent lieu dans notre langage à des erreurs d'interprétation. Kardec a d'ailleurs suggéré d'appeler les éléments généraux de l'univers de matière inerte et de matière intelligente. Mais les esprits supérieurs lui ont répondu. Les mots nous importent peu. C'est à vous de formuler votre langage de manière à vous entendre. Vos disputes viennent presque toujours de ce que vous ne vous entendez pas sur les mots parce que votre langage est incomplet pour les choses qui ne frappent pas vos sens. Le codificateur du spiritisme constate admirablement. Un fait patent domine toutes les hypothèses. Nous voyons de la matière qui n'est pas intelligente. Nous voyons un principe intelligent indépendant de la matière. L'origine et la connexion de ces deux choses nous sont inconnues. Qu'elle est ou non une source commune des points de contact nécessaires, que l'intelligence est une existence propre ou qu'elle soit une propriété, un effet, qu'elle soit même, selon l'opinion de quelques-uns, une émanation de la divinité, c'est ce que nous ignorons. Elles nous apparaissent distinctes, c'est pourquoi nous les admettons comme formant deux principes constituants de l'univers. Nous voyons au-dessus de tout cela une intelligence qui domine toutes les autres, qui les gouverne toutes, qui s'en distingue par des attributs essentiels. C'est cette intelligence suprême que l'on appelle Dieu.